on n'avait jamais été aussi près de la paix. C'était en 1993, 10 ans déjà. Un vent nouveau soufflait sur la Palestine et on se prenait à espérer. Et puis, il y a eu la mort d'Yitzhak Rabin, l'arrivée au pouvoir de la droite israélienne, les nombreux accrocs au processus de paix et la reprise inévitable de la violence et du cycle infernal attentat-représailles. Mais en mai 1999, Benjamin Netanyahou, leader de la droite conservatrice, soutenu par l'extrême droite israélienne et les partis religieux, est battu aux élections. La gauche revient, et avec elle l'espoir. Toutefois, le nouveau Premier ministre, le général Ehud Barak, le soldat le plus décoré d'Israël, doit gouverner avec une majorité morcelée dans laquelle les partis religieux pèsent d'un poids excessif. Des partis qui sont favorables à l'extension de la colonisation en Cisjordanie, cette partie de la Palestine qu'il n'appelle que Judée et Samarie, comme dans la Bible. Dans ces conditions, et malgré sa bonne volonté apparente, que peut faire Barak? De l'autre côté, les Palestiniens sont de plus en plus impatients et déçus. Les accords d'Oslo n'ont pas tenu leurs promesses. Une grande partie de la Cisjordanie demeure encore sous le contrôle des autorités israéliennes et surtout, le niveau de vie de la population s'est fortement dégradé et le chômage a progressé. Or, cette année 1999, qui voit l'arrivée au pouvoir du travailliste Barak, est aussi celle qui, selon les accords d'Oslo, permettait théoriquement à l'autorité palestinienne de décréter la création de l'État palestinien. Mais une déclaration unilatérale serait à coup sûr ressentie comme une provocation par Israël qui pourrait envahir à nouveau les territoires occupés. Alors Washington s'entremet et à nouveau va obliger les deux partenaires à dialoguer, d'abord à Camp David, puis en Égypte, à Saba. La semaine passée, M. X est revenu longuement sur l'histoire secrète des premières tractations. Il poursuit aujourd'hui ce récit et répond à cette question essentielle. Yasser Arafat a-t-il sciemment laissé passer l'occasion de faire la paix? Bref, que s'est-il vraiment passé à Camp David et à Saba? Quand Barak devient le premier ministre d'Israël, le camp de la paix respire enfin. Il semble que ce général soit le digne successeur de Rabin. Mais les malentendus ne vont pas tarder à apparaître. Entre Israéliens et Palestiniens, oui. Barak déclare par exemple qu'il veut aboutir le plus vite possible à un règlement définitif. Mais l'autorité palestinienne rétorque, non sans raison d'ailleurs, qu'il convient d'abord d'appliquer les accords qui ont déjà été conclus. À Oslo. Oui. Et à Way Plantation, en effet. Nous en avons parlé la semaine passée, le gouvernement israélien n'a pas opéré les retraits de territoires tels qu'ils avaient été envisagés lors de ces difficiles négociations de 1998 entre Netanyahou et Arafat. En outre, Ehud Barak, dès son élection, affiche une ligne plutôt dure. Il veut la paix, certes, mais à ses conditions. Qui sont ? Jérusalem, d'abord. Pas question d'un quelconque partage de souveraineté sur la licence. Elle est et restera la capitale de l'État d'Israël. Ensuite, Barak refuse avec la plus grande fermeté le retour aux frontières de 1967. Puis, il affirme que les implantations israéliennes dans les territoires occupés demeureront sous contrôle d'Israël. Ensuite, Barak refuse avec la plus grande fermeté le retour aux frontières de 1967. Puis, il affirme que les implantations israéliennes dans les territoires occupés demeureront sous le contrôle d'Israël. Alors, ces conditions, on peut se demander s'il y a une vraie différence avec la politique de Netanyahou. Hein? C'est vrai, ouais, c'est troublant. Surtout quand on observe que Barak va donner un véritable coup de fouet à la colonisation. Jamais on n'aura autant construit dans les territoires occupés que sous Barak. Et pourtant, c'est aussi le Premier ministre israélien qui ira le plus loin dans les négociations avec les Palestiniens. C'est aussi exact. Hein. Mm-hmm. Alors comment expliquer cette apparente contradiction? Je vais m'efforcer de le faire. Oui, oui. Alors si vous le voulez bien, un peu de patience. D'abord parce que l'affaire est complexe et la propagande, même la désinformation s'en sont mêlées. Oui. Avant, un petit mot peut-être sur Barak. Volontiers. Barak, c'est un fils de pionnier. Ses parents, originaires de l'Europe de l'Est, ont immigré en Israël dans les années 30 et ont participé à la création d'un kibbutz. Barak est donc un sabrak. Oui, un pur produit de ce socialisme communautaire qui a fait beaucoup pour le prestige d'Israël. Barak s'est engagé très tôt dans l'armée. Et comme vous le savez, il va y mener une carrière prestigieuse. Et là, en particulier, avant de gravir tous les degrés de la hiérarchie, fait partie de ces commandos d'élite qui ont frappé les Palestiniens de Septembre Noir à l'étranger. C'est donc un homme d'action. Certainement, il a gardé cette expérience un caractère abrupt, méfiant, mais plutôt secret. Et quand il abandonnera la carrière des armes, alors qu'il a tout juste un peu plus de la cinquantaine, il occupe le plus haut poste, il est chef d'état-major général. Et on dit, je pense que c'est vrai, que c'est le militaire israélien le plus décoré. Oui. Et la politique alors? Il y viendrait qu'il quitte l'armée. Fils spirituel de Rabin, c'est en tout cas ce qu'il affirme, il devient son ministre de l'Intérieur. Puis sous Pérez, il prend en main le portefeuille des affaires étrangères. Et quand Netanyahu triomphe, il est élu député. C'est alors qu'il entreprend de conquérir le parti travailliste en éliminant Pérez. Mmh. Ambitieux. Très ambitieux, oui, mais assez rigide. Ceux qui le connaissent bien disent que c'est un faucon déguisé en colombe. Cette première déclaration le laisse deviner. Incontestablement. Ce qui ne veut pas dire que Barak, malgré ses déclarations très fermes prononcées dès son élection, refuse le dialogue avec l'autorité palestinienne. Il rencontre même Yasser Arafat à plusieurs reprises, mais on a l'impression qu'il met la résolution du conflit israélo-palestinien au second plan. Au second plan, ça, ça veut dire quoi? Son ambition première, c'est de faire la paix avec la Syrie. Et donc de régler la fameuse question, l'épineuse question du plateau du Golan. Mais aussi d'en finir avec l'occupation du Liban. Bon, c'est ce qui l'intéresse, c'est la sécurité extérieure d'Israël. Et cela inquiète les Palestiniens qui ont peur qu'un accord avec la Syrie ne se fasse sur leur dos. Mmh. D'autant que Barak tarde toujours à appliquer les accords déjà signés. Ou s'il les applique, c'est de façon très restrictive. Bref, les Palestiniens sont de plus en plus méfiants. Et les services de renseignement israéliens craignent que l'immobilisme de Barak et l'augmentation de la colonisation ne conduisent rapidement à une reprise de la violence. Oui, mais les négociations avec la Syrie vont échouer. Oui. Seule la question du sud Liban trouvera une solution avec l'évacuation de l'armée israélienne. Donc, ça veut dire que Barak doit se pencher à nouveau sérieusement sur le dossier palestinien. Mais d'autant qu'à Washington, les Clinton s'impatientent. Son mandat va s'achever au début de 2001 et il voudrait le terminer par un coup d'éclat. Un accord de paix définitif entre les Israéliens et les Palestiniens. Ah, ouais. Et le président américain n'aura de cesse de réunir les protagonistes autour de lui aux États-Unis. Ehud Barak approuve l'initiative, mais Yasser Arafat, comme je vous l'ai dit, insiste pour que les accords déjà signés soient déjà respectés. Mais on pourrait imaginer que les Palestiniens auraient au contraire avoir intérêt à aller tout de suite vers un règlement global. Non, non, non, parce qu'ils se méfient. Si les premiers accords n'ont pas été totalement suivis d'application, qu'en serait-il d'un accord définitif? Et puis, accepter de négocier un traité définitif représente beaucoup de risques. Expliquez-moi ça précisément. Ouais, si cette négociation se terminait par un échec, les Israéliens pourraient ensuite être tentés de renoncer à tout règlement ultérieur. Et après l'échec, plus aucun dialogue. Oui. Et Arafat redoute de tomber dans ce piège. D'autant que les points qui restent à discuter sont les plus conflictuels. Au fond, Oslo n'a rien réglé fondamental. Oslo, c'était un symbole, une manifestation de bonne volonté de part et d'autre. Oui, un calendrier quand même. Tu as raison, mais un calendrier qui n'a jamais vraiment été respecté. Alors les Palestiniens résistent. Il voudrait que sur chacun des obstacles qui demeurent sur le chemin de la paix, des discussions préparatoires, des belles terrains, bref, pour eux, il est trop tôt. Alors il voudrait qu'un futur sommet soit mieux préparé. Oui, mais il n'y a rien à faire. Clinton est pressé, Barak aussi. Je comprends l'impatience de Clinton, puisqu'il est en fin de mandat. Et qu'il veut laisser son nom dans l'histoire. Il a terminé en beauté, en somme. Et faire oublier ses devoirs conjugués. D'accord, mais Barak, pourquoi est-il si pressé? Il n'y a que deux explications. Le premier ministre israélien, pour avoir une majorité au Parlement, a dû faire appel à un parti religieux, le Chass. C'est dire que sa position est difficile. Car les députés de ce parti ne sont pas prêts à accepter, par exemple, le démantèlement des colonies ou le partage de la souveraineté à Jérusalem. Qui sont ici en d'autres termes qu'avec une telle coalition électorale, au fond, tout accord avec les Palestiniens est pratiquement impossible. Sauf peut-être à parvenir à un accord total. Un accord qui apporte la paix sur un plateau à une population israélienne lasse et traumatisée par des années de violence. Une paix inespérée qui ne saurait être refusée. C'est sans doute le pari d'Ehud Barak. Car l'autre explication est plus cynique ou plus machiavélique. À laquelle alors? En acculant Arafat, en le forçant à négocier malgré lui, le premier ministre israélien non seulement se donne le beau rôle, mais en cas d'échec, il sera en mesure d'en faire porter la responsabilité sur les Palestiniens et sur eux seuls. Mais sans le faire, décidément, il est impossible de faire la paix avec des gens qui n'en veulent pas. Oui, et nous ne tournons pas autour du pot. C'est la vraie ambiguïté du sommet qui va s'ouvrir à Camp David en juillet 2000. Ehud Barak, à la merci d'une droite nationaliste qui pouvait le renverser à tout moment, n'a-t-il pas parié d'emblée sur l'échec de la négociation? Après avoir écouté M. Hicks, je me suis reporté un article du Monde de décembre 2000 intitulé « Camp David, une impossible négociation ». Je cite son auteur Sylvain Sipel. Ancien négociateur palestinien, Ghassan al-Khatib résume la période qui va d'Oslo à Camp David par une histoire de Bernard Shaw. Lors d'un cocktail, un homme dit à une jeune femme « accepter de faire l'amour avec moi, je vous donnerai beaucoup d'argent. » La jeune femme réfléchit et finit par dire « D'accord, combien me donnerez-vous ? » « 10 livres. »« Et bien sûr, vous me prenez pour une prostituée. » « Ce fait, madame, est acquis. Vous avez dit oui. Maintenant, nous parlons business. » À Oslo, les Palestiniens avaient cru qu'ils recevraient beaucoup au cours des négociations. 7 ans après, ils n'ont quasiment rien obtenu. 70% de la bande de Gaza, coupée en deux par l'armée israélienne au profit des colons juifs, et 13,5% de territoires éparpillés en confettis en Cisjordanie. Échaudés, ils ont décidé d'être fermes sur les principes avant de faire l'amour dans un accord de paix final. Quand David, c'est la résidence d'été des présidents américains, un lieu bucolique au cœur des montagnes du Maryland. Et c'est là où était signée la paix entre l'Égypte et Israël. Hein. Entre Sadat et Begin, sous l'égide du président Carter. Et ce n'est sans doute pas un hasard si Bill Clinton a choisi cet endroit chargé de symboles. En plus, les délégués des deux partis seront isolés et donc en principe à l'abri des pressions extérieures. La presse. Bien évidemment. Les journalistes seront tenus à l'écart et ils n'auront droit qu'à des points de presse où ils n'apprendront pas grand-chose. Clinton va s'impliquer lui-même. Oui, avec lui, ses principaux collaborateurs, Madeleine Albright, sa secrétaire d'État, des membres du Conseil national de sécurité et même le patron de la CIA, George Tenet. Et les délégations israéliennes et palestiniennes ? Arafat et Barak les conduisent naturellement, ils sont accompagnés chacun par une dizaine de négociateurs, enfin, inutile d'entrer dans le détail, ce sont bien sûr les deux numéro un qui auront le dernier mot à chaque phase de la négociation. Alors justement, cette négociation... Ça démarre assez mal. Pourquoi ? Parce que Yasser Arafat n'est venu à Camp David que contre un forcé ou qu'il a peur de tomber dans un piège ? Il y a ça certainement, mais pas seulement. Le climat est mauvais. Si Clinton est enthousiaste et optimiste, il n'en va pas de même pour le Palestinien et l'Israélien. Barak refuse, par exemple, tout tête-à-tête avec Arafat. Cela irrite au plus haut point ce dernier. Pourquoi cette distance ? Pourquoi cette hostilité ? Alors que les deux hommes se connaissent bien. Un jour, Arafat est même allé dîner chez Barak. Oui, frère. Bien entendu. Donc le climat, dès le début, est détestable. En outre, c'est encore plus important, Israéliens et Palestiniens ne sont pas d'accord sur la méthode. Vous pouvez préciser, hein. Je résume, parce que c'est très compliqué. Clinton a décidé que 3 commissions seraient mises en place. L'une sur les territoires occupés et les problèmes de sécurité, une autre sur la question de Jérusalem et une troisième sur la question des réfugiés. Oui, toujours l'éventuel droit au retour. Oui. En gros, les Israéliens, en parfaite entente avec les Américains, veulent avancer pas à pas à l'intérieur de chacune de ces commissions et trouver un compromis acceptable qui pourrait déboucher sur un traité de paix global. Ça me paraît assez raisonnable, hein ? Apparemment, oui. Mais Arafat, lui, ne l'accepte pas. Il veut qu'avant d'entamer ces discussions point après point, les Israéliens se prononcent sur un certain nombre de principes fondamentaux. Lesquels ? L'acceptation des résolutions de l'ONU. C'est-à-dire la reconnaissance des frontières de 1967 et celle du caractère illégal des colonies de peuplement. Et là, du point de vue palestinien, on est au cœur du problème. D'un côté, il y a des occupés, de l'autre, un occupant. Ouais. Mais les Israéliens ne peuvent pas accepter. Là, c'est évident. Et la querelle n'est pas seulement sémantique. Hein. Quand les Israéliens diront « on vous offre de récupérer telle ou telle portion des territoires », les Palestiniens répliqueront « vous ne nous offrez rien du tout, vous ne faites que nous rendre ce qui nous appartient ». Ouais. Dans ces conditions, le dialogue est difficile, c'est impossible. Ouais, c'est ça, c'est pourquoi les Palestiniens récuseront toujours les termes de concession faites par les Israéliens. En fait, toujours selon eux, ce sont eux qui feront des concessions en acceptant éventuellement que les terres palestiniennes soient annexées par Israël. D'accord, j'ai compris, mais malgré tout, le dialogue chez nous. Très, très difficilement. Alors, si vous voulez bien, voyons ça point par point. Mm-hmm. La question de la terre, d'abord. Barak propose de libérer 89% des territoires hors Jérusalem. 76% tout de suite et 13% plus tard. 89%, ça veut dire quand même que 11% serait annexé. Hein? Oui, là où se trouvent les plus grandes colonies. Les colonies qui seraient reliées entre elles par des routes protégées sous contrôle israélien. Le résultat, c'est que la Cisjordanie serait coupée en trois. Ouais, inacceptable pour les Palestiniens. Bien entendu. Et ils contre-attaquent en proposant d'abandonner 2% de leur territoire, à condition qu'Israël leur cède en contrepartie la même superficie près de Gaza et Bethléem. Refus israélien, c'est le blocage. Autre question difficile, celle du droit au retour. Oui, c'est-à-dire du droit au retour des Arabes qui ont été chassés lors de la guerre d'indépendance. Oui, un point crucial. Et pourtant là, curieusement, les deux parties vont se rapprocher. après avoir accusé toute responsabilité dans le drame des réfugiés, mais les Israéliens finissent par reconnaître le bien fondé de la résolution 194 de l'ONU. Oui, la résolution qui recommande que les réfugiés puissent rentrer chez eux et même récupérer leurs biens. Oui, c'est une concession très importante. Les Israéliens envisagent même de créer un fonds international d'indemnisation. Et en retour, alors, que proposent les Palestiniens? Ils acceptent que les Arabes qui reviendront en Israël deviennent automatiquement les citoyens israéliens. Mais attendez, ces réfugiés sont des millions. Un peu plus de 4 millions. Hein. Alors comment l'État hébreu pourrait-il accepter de voir arriver un tel nombre de réfugiés? Il n'en est pas question. Les deux parties s'entendent pour estimer que seules quelques dizaines de milliers d'Arabes voudront rentrer. Les autres ne voudront pas devenir des citoyens israéliens et resteront dans leur pays d'accueil ou seront autorisés à émigrer en Cisjordanie. Ouais. Peut-être, mais enfin, moi je me souviens très bien qu'on a dit qu'une des principales raisons de l'échec de Condamine, puis plus tard du tabac, c'était justement cette question des réfugiés qui aurait submergé l'État hébreu en cas de reconnaissance de la loi du retour. Eh bien, c'est de la propagande. Arafat n'a jamais exigé que ces 4 millions de réfugiés reviennent en Israël. Il voulait seulement que le principe en soit retenu en application de la résolution de l'ONU. Oui, c'est bien, mais enfin, même en acceptant quelques dizaines de milliers, ce n'était pas une menace permanente pour Israël. En tout cas, ce qu'ont affirmé plus tard les Israéliens, après l'échec des négociations, bien sûr. Mais la vérité est tout autre. Les Palestiniens étaient tout à fait conscients qu'une arrivée massive de réfugiés en Israël poserait à l'État hébreu des problèmes démographiques et sécuritaires insolubles. Et au cours des négociations, ils se sont engagés, en accord avec leurs partenaires israéliens, à limiter le nombre des candidats au retour. Alors, pourquoi cette contre-vérité? Il fallait justifier l'échec. Mais pour être tout à fait honnête, il faut dire que le troisième point, celui de Jérusalem, était aussi l'un des points de discorde essentiels. Mais pour être tout à fait honnête, il faut dire que le troisième point, celui de Jérusalem, était aussi l'un des points de discorde essentiels. Ouais, pour des questions des raisons religieuses, historiques. Et politiques aussi. Après la guerre des six jours, les Israéliens en ont fait leur capitale éternelle et indivisible. Une capitale qui n'a pas été reconnue par nombre de pays. Dans les États-Unis et la France. Jérusalem, depuis l'occupation de 1967, a considérablement changé. Sa superficie a été multipliée par 20. Au détriment des terres palestiniennes. Il ne pouvait pas en être autrement. Je crois que les Israéliens ont exproprié près de 4000 hectares pour y construire de nouveaux quartiers juifs. Mais le cœur de la querelle, c'est bien sûr la vieille ville et ses lieux saints. Quand la négociation commence, les délégués israéliens affirment qu'il n'est pas question de renoncer à la souveraineté sur cette partie de Jérusalem. Jérusalem qui est non seulement un lieu saint pour les musulmans, mais dont les Palestiniens veulent faire aussi la capitale de leur futur État. Oui, alors les Israéliens proposent à leurs partenaires de leur restituer certains villages orientaux du Grand Jérusalem. Il n'y a pas question de toucher à la ville, c'est ça. Mmh. Les Palestiniens sont indignés. Ils disent, c'est comme si vous nous proposiez de rebaptiser Jérusalem une partie de sa banlieue. Alors les Israéliens vont faire marche arrière. Ils veulent bien reconnaître une certaine autonomie de gestion palestinienne sur les quartiers arabes de la vieille ville, mais en retour, ils reprennent ce qu'ils étaient prêts à céder. C'est-à-dire les villages de l'Est. Oui, ce marchandage n'était pas acceptable pour les Palestiniens. Bref, sur presque tous les sujets en discussion, c'était le blocage. Et les deux parties cherchaient déjà à justifier auprès de leur peuple un échec qui paraissait inévitable. Pierre Mallet, ancien conseiller spécial de Bill Clinton pour les questions arabes, a été étroitement associé aux négociations de Camp David. Un an après, en juillet 2001, voici ce qu'il écrit dans le journal Le Monde. Beaucoup se sont ralliés à l'idée que le rejet par les Palestiniens des propositions de Camp David révélait un refus profond du droit à l'existence d'Israël. Mais considérons les faits. Les Palestiniens ont plaidé pour la création d'un État de Palestine sur les bases des frontières du 4 juin 1967, à côté d'Israël. Ils ont accepté le projet d'une annexion israélienne de terre en Cisjordanie pour certaines des colonies de peuplement israéliennes. Ils ont accepté le principe de la souveraineté israélienne sur les quartiers juifs de Jérusalem-Est, quartier qui ne faisait pas partie d'Israël avant la guerre des six jours en 1967. Et tout en insistant sur le droit au retour des réfugiés, ils ont accepté que celui-ci soit appliqué de façon à ménager les intérêts démographiques et la sécurité d'Israël en limitant leur nombre. Toutefois, pour être tout à fait honnête, il faut aussi ajouter que Robert Mallet reproche à la délégation palestinienne sa passivité et son incapacité à saisir ce moment historique. L'échec était tellement patent que Ehud Barak a menacé de rentrer chez lui. Et il a fallu que Clinton tape du poing sur la table pour le retenir. Clinton, qui, il faut le reconnaître, n'a pas ménagé ses efforts pour obtenir un impossible accord. Et grâce à lui et à l'ingéniosité de ses conseillers, on a observé quelques avancées. Dans quel domaine? Sur celui de la sécurité, par exemple. Mais sur Jérusalem, l'incompréhension demeurait. Et elle était essentiellement religieuse à cause de l'imbrication des lieux saints. La grande mosquée à Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l'islam, serait en effet construite sur les ruines du temple hébreu. Un lieu sacré pour les juifs. Oui, pour ménager les susceptibilités des deux camps. Clinton a même imaginé de confier la souveraineté de l'esplanade, ce que les Israéliens appellent le mont du temple, aux Palestiniens, tandis que l'État hébreu aurait régné sur le sous-sol. Pas très simple. Ah, vous le dites, oui. Et Oud Barak était prêt à accepter. Par Arafat, en raison de la sanctification du lieu. On ne peut pas excuser ou justifier l'intransigeance du leader palestinien, mais dans cette négociation sur Jérusalem, Arafat ne représentait pas seulement son peuple, mais l'ensemble de la communauté mondiale musulmane. Une communauté qui n'aurait jamais accepté qu'il renonce à une quelconque partie des lieux saints. Bah, dans ces conditions, sans jeu de mots, on allait dans le mur. Hein. C'était inévitable. Et après 15 jours de négociations, on se sépare en déclarant qu'il faut poursuivre les efforts pour conclure le plus tôt possible un accord. C'est une façon de marquer l'échec, ça. Oui, évidemment. Mais était-il raisonnable de penser qu'en seulement 15 jours, on allait mettre fin à un conflit qui durait depuis des décennies? En tout cas, à partir de ce moment, c'est la communication qui prend le relais. Et dans ce domaine, les Israéliens soutenus par les Américains ont été les meilleurs. C'est-à-dire? Parce qu'à la fin du sommet, Barak accuse Arafat d'être responsable de l'échec de Camp David, d'avoir refusé ses généreuses propositions et exigé le retour en Israël des millions de Palestiniens chassés en 47 et 48. Et ça marche, puisque c'est généralement l'opinion qui prévaut. Alors la faute à Arafat. Alors, je crois vous avoir montré que les choses n'étaient pas si simples que cela. Et que les propositions généreuses de Barak consistaient essentiellement à rétrocéder aux Palestiniens ce qui leur appartenait avant la guerre des six jours. On peut aussi s'étonner que Yasser Arafat soit resté silencieux après Camp David. Mais qui n'est pas donc impliqué aux accusations israéliennes? Moi, je trouve ça très curieux. Et pour moi, maladroit. On peut penser que le leader palestinien ne voulait pas souffler sur les brèves. Dans l'espoir de reprendre les négociations? Oui, de proclamer la création de l'État palestinien comme c'était prévu par les accords précédents. Mais il faut aussi tenir compte des faiblesses de l'autorité palestinienne minée par l'autoritarisme d'Arafat, la corruption et les luttes de clans. Alors, à partir de ce moment-là, est-ce que les contacts avec les Israéliens sont totalement rompus? Non, non. Dans la plus grande discrétion, les hommes qui ont négocié à Camp David et qui, pour certains, se sont appréciés, continuent à se voir. Et Clinton ne désespère pas d'aboutir à un accord de paix avant de quitter la Maison Blanche. Et ces contacts-là, discrets, là, ça donne des résultats? Bah, il n'est jamais inutile de discuter, alors qu'on viendrait, même si c'est de manière informelle. Toutefois, si on voulait faire la paix, il fallait faire très vite. Car la désespérance de la société palestinienne augmentait au même rythme que l'accroissement des colonies. Et il était à craindre tôt ou tard que la violence se déchaînerait à nouveau. Et l'étincelle qui mettra le feu aux poudres, ce sera la visite du leader de l'opposition israélienne, Ariel Sharon, sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Ouais, on apparaît pour la question. Certes, ça y ressemble. L'homme qui a laissé faire Sabra et Shatila se rendant sur un des lieux les plus saints de l'islam n'est pas effectivement anodin. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, la brève démonstration de Sharon était surtout à usage interne. À usage interne, c'est... Sharon, oui. Qui était alors en compétition avec Netanyahou pour la direction de Likoud, a voulu marquer des points face à son rival. En se rendant sur le mont du Temple, version israélienne de l'esplanade des mosquées, il affirmait de façon spectaculaire la légitimité des droits des juifs sur ce lieu saint. Et par la même occasion, il montrait qu'il n'avait pas peur d'une réaction violente des Palestiniens. Ah, c'était une visite électorale, en quelque sorte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Premier ministre Ehud Barak l'avait autorisé à se rendre sur l'esplanade des mosquées. Ça paraît difficilement croyable. Enfin, Barak ne pouvait pas ignorer que cette visite serait ressentie comme une provocation par les Palestiniens. Sans doute, mais il préférait avoir comme adversaire Sharon plutôt que Netanyahou. Ah, alors, par conséquent, il a donné un petit coup de pouce à Sharon. C'est la vérité. Mais vous connaissez la suite. C'est le début de la deuxième intifada et du cycle de violence qui dure jusqu'à maintenant. Mmh. Une intifada spontanée ou... orchestré par l'autorité palestinienne, comme les Israéliens l'ont prétendu? C'est la sempiternelle question du double jeu d'Yasser Arafat. Bon. Il est sûr que certains Palestiniens, peut-être même Arafat lui-même, pensaient que seule la violence pourrait faire céder l'État hébreu. Mais en même temps, les contacts se poursuivaient entre les deux camps. Et bientôt, ce sera en janvier 2001, Tabat, l'ultime négociation. Alors même que les attentats et les représailles en semblant qu'ils reviennent. Alors, justement, parlons de Tabat. Une fois de plus, c'est Clinton qui a poussé à la roue dans les derniers jours de son mandat. À la mi-janvier 2001, il devra en effet laisser les clés de la Maison Blanche au nouveau président élu, George W. Bush, un homme qui n'a pas manifesté l'intention de s'impliquer dans les affaires du Proche-Orient. Tabat, c'est donc le dernier espoir. Et en effet, les choses vont progresser très vite. En l'absence, il faut le noter, de Barak et Arafat qui laissent faire leurs négociateurs respectifs. On va arriver à un accord, hein. Écoutez, c'est presque miraculeux. Sur presque tous les points litigieux qui avaient conduit à l'échec de Camp David, on se met d'accord. Les Israéliens admettent, par exemple, que les frontières de 1967 soient la base de la division entre Israël et le futur État palestinien. De même, on trouve un compromis sur l'épineuse question de Jérusalem. Un compromis? Oui, la raison l'a emporté. Les Palestiniens seront souverains dans les zones habitées par les leurs, et il en sera de même pour les Israéliens. Quant à la vieille ville, elle sera proclamée ville ouverte et deviendra la capitale des deux États. Et les lieux saints? Les deux parties régneront sur leurs lieux saints respectifs. Seule demeure une légère divergence sur la délimitation du mur des lamentations. Enfin, d'autres accords sont trouvés sur la sécurité, démilitarisation du futur État palestinien, contrôle de l'espace aérien et présence de stations d'alerte israéliennes en Cisjordanie. Mm-hmm. Et la loi du retour, hein? Voilà, le progrès est vraiment immense. Pour la première fois, Israël reconnaît la tragédie des réfugiés palestiniens et accepte que quelques dizaines d'entre eux, 40 000 au maximum, reviennent chez eux. Et tous ces accords sont signés? Non. On met simplement au point une déclaration finale qui reprend tous ces points que j'ai énumérés. Mais c'est vrai qu'on n'était jamais allé aussi loin des deux côtés. Ah, on pouvait donc penser que la paix était proche? Oui, mais la situation était biaisée. Barak était en effet un premier ministre démissionnaire. Ah, mais quand avait-il démissionné? Un mois plus tôt, en décembre. Il pensait alors pouvoir battre Sharon aux prochaines élections. Mais les derniers sondages le donnaient battu par la droite. Dans ces conditions, Barak pouvait-il engager son pays? À l'évidence, non. Si accord il y avait, il serait signé par le prochain gouvernement. Et avant même la fin du sommet, il a rappelé ses négociateurs. Alors, peut-on soupçonner Barak de duplicité en accordant aux Palestiniens des concessions qu'ils ne pourraient pas honorer? On peut effectivement se poser la question, car il est hors de question que Sharon se sente engagé par la déclaration de tabac. Au reste, on savait dès le début du mois de décembre qu'un éventuel accord sur Jérusalem ne serait pas appliqué. Pourquoi? Le Parlement israélien, la Knesset, avait voté une loi selon laquelle tout accord territorial sur Jérusalem devrait être voté par une majorité absolue de députés. Or, étant donné la composition du Parlement, il était exclu que Barak puisse trouver une majorité qui approuve la division de Jérusalem. Donc Taba était mort avant Taba? Je pense. Et si d'une certaine façon, quand David a été un échec à cause de l'intransigeance de Yasser Arafat sur la question de Jérusalem, Taba n'a pas abouti par la faute des Israéliens. Et pourtant, la déclaration rédigée par les deux parties reste incontestablement la seule ligne sur laquelle se construira la paix. Où en est-on aujourd'hui? La feuille de route établie par les États-Unis, l'Europe et la Russie sera-t-elle appliquée? On peut aujourd'hui en douter, mais toutefois on peut se référer aussi à un texte signé en 2001 par quelques intellectuels prestigieux et hommes politiques appartenant aux deux camps. J'en extrais ces lignes. Nous, Israéliens et Palestiniens, dans les plus difficiles des conditions pour nos deux peuples, venons ensemble pour réclamer la fin du bain de sang, la fin de l'occupation, un retour urgent aux négociations et à la mise en œuvre de la paix. En dépit de tout, nous croyons toujours en l'humanité du camp adverse et dans le fait que nous avons un partenaire avec lequel nous allons faire la paix. Une solution négociée au conflit entre nos deux peuples est possible. Pour aller de l'avant, il faut accepter la légitimité internationale et l'application des résolutions de l'ONU menant à une solution fondée sur les frontières de 1967 et sur deux États, Israël et la Palestine, côte à côte, ayant Jérusalem pour capitale respective. Les solutions justes et durables peuvent être trouvées à tous les problèmes en suspens, sans porter atteinte à la souveraineté des États palestiniens et israéliens. Enfin, je vous recommande chaleureusement la lecture du livre très précis et très documenté du correspondant de France 2 en Israël, Charles Anderlin, un ouvrage paru chez Fayard et intitulé « Le rêve brisé » qui raconte par le détail l'échec des négociations de Camp David et Taba.